sienne, je m'emballe. La nuit dans les prés avec les lucioles, on sirote la rosée qui affole. Elle maudit chérie, t'es brillant, dommage que t'aies pas d'argent. J'étais pas le plus grand, et la vie est courte.